Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Paolo, il faut que tu m'aides. Lisbeth a une amie, Myriamou. Tu veux que je lui demande où est passée Lisbeth? Qu'est-ce que c'est? Salut. Tu sais qui je suis, Sandström? Ah! Il veut pas mourir! Chut! Qui est celle-là? Je sais pas. Michael, c'est Roberto. Elle répond pas au téléphone, je suis devant chez elle depuis 2 heures. Salut Björk, c'est Blomqvist. Merde! Alors soit tu parles, allô, soit ton nom fait la une des journaux. Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est elle vient de se faire enlever, je te rappelle. Merde. J'ai trouvé un truc qui va t'intéresser. Lurman, tu m'avais dit de fouiller dans son passé. Il a travaillé à la police secrète en même temps que ton Björk. Ils ont forcément collaboré. Lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que tu te caches? Mais putain, mais je t'ai dit... Parlez! Dispense ça, donc, connasse! Va te faire foutre! 10e épisode. Il est 4 heures du matin. Paolo Roberto est à l'hôpital de Söder avec Myriam Wu. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai rien compris. Il m'a parlé d'une tronçonneuse, d'une maison en forêt, d'un monstre insensible à la douleur. Il avait pas ton numéro de fixe et il arrivait pas à te joindre sur ton portable. Il veut te parler, c'est très urgent. Ok, j'y vais. Il a été salement amoché. Arcade sourcilière explosée, 3 côtes fracturées, plaies et contusions multiples. Je vous accorde 10 minutes, pas plus. Il a absolument besoin de repos. Et la jeune femme? C'est pire. Plusieurs fractures aussi et une commotion cérébrale. Vous ne pouvez pas la voir pour le moment, elle est en soins intensifs. Mais son état est stable. Elle va s'en sortir. Merci. Comment tu te sens? Putain de monstre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pile quand je t'appelais, j'ai vu Myriam arriver. 2 mecs ont déboulé avec une camionnette. Un grand blond baraqué et un gros avec une queue de cheval. Ils l'ont emmené de force. J'ai réussi à les suivre en voiture. J'ai roulé environ 1 heure. Ils se sont arrêtés près d'un hangar dans la forêt. Près du lac Dungarn, je crois. Le gros est parti. Il n'y avait plus que le géant blond qui a commencé à taper sur Myriam. Il voulait savoir où était Lisbeth. J'ai déboulé, je lui ai sauté dessus. T'aurais vu. J'ai tout envoyé, Michael. J'aurais dû lui péter 10 fois la mâchoire. Il sentait rien. C'est pas un mec normal. Il savait boxer? C'est bizarre. Il avait des attitudes de boxeur. Il essayait de prendre des gardes, mais il n'arrivait pas à esquiver les coups. Il prenait tout dans la tronche sans réagir. La seule fois où il a poussé un cri, c'est quand Myriam a réussi à lui balancer un coup dans les couilles. Là, il s'est jeté sur elle, il l'a massacrée. Du coup, j'ai eu le temps de saisir une planche. Je lui ai explosé la tête. Il était KO. Myriam, j'ai cru qu'il l'avait tué. J'ai réussi à la traîner jusqu'à ma voiture. Franchement, la prochaine fois que t'as besoin d'un coup de main... Quoi ? Change de catégorie. Prends plutôt un poids lourd. Je reviens. Repose-toi. Michael Blomqvist, désolé pour l'heure. Je serai toi, je viendrai au plus vite à l'hôpital de Sodor pour interroger Paolo Roberto. Son témoignage va vous intéresser. Roberto, le boxeur ? Oui. Où est-ce qu'il en reste ? Myriam Mou est là aussi, en soins intensifs. Mais c'est quoi ce merdier ? Quel rapport entre Paolo Roberto et Myriam Mou ? Paolo est un ami de Lisbeth Salander. Je lui avais demandé de parler à Myriam Mou pour savoir où était Lisbeth. Il allait le faire quand elle a été enlevée en bas de chez elle par deux types. Un géant blond et un gros à queue de cheval qui ressemble à la brute qui a agressé Lisbeth au même endroit. Eux aussi, ils cherchaient à savoir où elle se trouvait. Étrange, non ? C'est-à-dire ? Si c'est bien le même type qui embarquait Myriam et qui agressait Lisbeth, ça veut dire qu'il cherchait déjà Lisbeth une semaine avant les meurtres. Oui ou non ? Boublanski, admet au moins qu'il y a d'autres acteurs dans cette histoire. Tu vas avoir du mal à faire croire que Lisbeth est une folle qui agit seule. Tu crois que ce gros à queue de cheval fait partie d'une secte de lesbiennes sataniques ? Ça ne tient pas, Blublanski. Quel hôpital ? Sodor. Écoute, je vais jouer carte sur table. Il faut qu'on chope un certain Salah, ou Salachenko. Dax Svensson s'intéressait à lui. Il pensait qu'il pouvait être impliqué dans le meurtre de la prostituée Irina. Cette pauvre fille était morte avant même d'être jetée dans le canal. Il y a beaucoup de ressemblances entre les blessures qu'elle a reçues et celles de Myriam. C'est peut-être le même mec. Et puis Roman, qu'est-ce qu'il viendrait faire là-dedans ? Je sais pas encore. Il manque toujours des pièces du puzzle. Mais il doit y avoir un lien entre Bjurman et Salah. Reprenez votre enquête à zéro. Acceptez l'hypothèse que Lisbeth n'est pas coupable, que c'est quelqu'un d'autre qui a commis les meurtres. Quelqu'un lié au milieu de la prostitution. Mais que ferait Salander dans l'histoire ? J'en sais rien encore. Peut-être qu'elle a été témoin de quelque chose. Peut-être qu'elle a débarqué à Enskede pour avertir Dag et Mia que leur vie était en danger. J'arrive. Bien. J'ai demandé au procureur Ekström d'assister à notre réunion. Je l'ai informé des événements de la nuit. Je pense que le témoignage du boxeur nous oblige à tout reprendre depuis le début. Je ne sais pas si Lisbeth Salander est innocente, mais la probabilité d'un acte isolé se réduit. L'hypothèse de Blomqvist est à prendre au sérieux. Les meurtres sont peut-être liés aux révélations que Dag Svensson... Excusez-moi. Allô ? Ça. Ah. On en est sûr ? Bon, merci. C'était Holmberg. Ils ont réussi à identifier l'entrepôt où a eu lieu l'agression de Myriam Mou et de Paolo Roberto. Le problème, c'est que l'entrepôt est totalement détruit. C'est un incendie criminel. On a retrouvé des bidons d'essence à proximité. On va avoir du mal à trouver des indices. On fait quoi maintenant ? Premièrement, il faut retrouver les agresseurs de Myriam Mou et de Roberto. Deuxièmement, on épluche la liste des michetons établis par Dag Svensson. Il va nous falloir du renfort. Il y a des milliers de pages à dépouiller. Modig, tu diriges les opérations. Ok pour moi. Troisièmement, on cherche toujours à mettre la main sur Salander. Bolinder, tu t'en charges. Ok. Et quatrièmement, il faut qu'on se concentre sur ce Salah ou Salachenko. Faste, tu prends contact avec le groupe spécial d'enquête sur la criminalité organisée. On va leur demander de l'aide. Ils m'ont signalé un rapport où figure ce nom. Attends. À quoi tu joues, là ? À quoi je joue? C'est quoi cette question de merde? Tout ça, c'est des conneries. On doit se concentrer sur Salander. Qu'est-ce que tu fais des expertises médicales? Des empreintes sur le flingue? De sa présence sur le lieu du crime? De son appartenance à un groupe de lesbiennes sataniques? On en a déjà parlé. On a la preuve qu'elle se prostitue avec l'autre Gwynas. Tu veux bien t'arrêter? T'es complètement obsédé par son homosexualité? Ah ouais? Oui. Et c'est pas professionnel. Et toi, t'es prêt à oublier qu'on a affaire à une dangereuse psychopathe et tu trouves ça professionnel? S'il vous plaît. Tu me fais chier avec tes conneries. Calmez-vous. Je suis d'accord avec Boublanski. Il faut poursuivre l'enquête dans toutes les directions. Autre chose, cette histoire de Paolo Roberto, il ne faut pas l'ébruter. Si une nouvelle célébrité surgit dans l'enquête, les médias vont devenir totalement hystériques. Réunion terminée. Tu as commencé à regarder la liste de Dax Svensson? Oui. Il y a une douzaine de versions de manuscrits, des centaines de documents. Ça va prendre des semaines. Tu as Ericsson de Milton Security pour t'épauler. Je peux pas dire du mal de lui, mais franchement, il sert pas à grand-chose. Comment ça? Je sais pas. Il a un peu les mêmes réactions que Fasté avec Meriamou. Je crois qu'il a un problème avec Salander. Un problème? Bon, je vais être franche. Je sens qu'il prépare un coup foireux. Essaye de faire abstraction de tes impressions. Va falloir encore te le farcir jusqu'à la fin de la semaine. Nulle part dans l'univers infini des mondes, il n'existe de nombre entier, mais un cube peut s'exprimer comme étant la somme de deux cubes. Une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette manche est trop étroite pour un point qui ont une puissance supérieure à 2 plus b au carré est égale à a au carré plus 2 ab plus b au carré. L'univers infini des mondes n'existe de nombre entier où un cube peut s'exprimer comme étant la somme de deux cubes. Et cette proposition est vraie. J'ai une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge est trop étroite pour contenir. Où est-ce qu'elle est ta plante, Burman? De vacances. Ça doit être cette maison jaune à l'écart. Génial. Bon. Où est-ce que tu les as cachés, tes petits dossiers de merde? Alors, t'en es où? Ce Tax Svensson était vraiment un type brillant. Sa description des rouages de la prostitution en Suède est implacable. Il aurait fallu l'inviter à venir faire une conférence à l'école de police. Je connais plusieurs gros machos que ça aurait décrassé. Ok. De qui vient la fuite? Qu'est-ce qui se passe, Ekström? De qui vient la fuite? Le journaliste Tony Scala vient de signer un article où il raconte comment le boxeur Paolo Roberto a sauvé une Gwyn Sadomaso d'un enlèvement. Merde, c'est pas vrai. Quand Scala évoque sa source, il parle au féminin. C'est la deuxième fois. Modig, je ne peux rien prouver, mais je n'ai plus confiance en vous. Je vous promets que je suis pour rien. Je n'ai pas le choix, je vous écarte de l'enquête. Puisqu'elle vous dit qu'elle n'y est pour rien, ce serait de la folie de se passer les compétences de Sonia. Ma décision prend effet sur le champ. Vous vous mettez en congé jusqu'à lundi. Vous serez affecté à d'autres missions la semaine prochaine. Ça va? Oui. Écoute, je ne te laisse pas tomber. Tu restes dans l'équipe et tu n'obéis qu'à mes ordres. Compris? Oui. Tu vas aller à la rédaction de Millennium. Demande à Michael Blomqvist de te guider dans le disque dur de Dax Svensson. Il connaît mieux que nous les documents. Ça nous fera gagner du temps. D'accord. Tu sais où est Hans Faste? Non, il est parti directement après la réunion de ce matin. Je regrette, Sonia. C'est pas possible. Pourquoi? C'est un mélange des genres dangereux, puis c'est une question d'éthique. Si les journalistes se mettent au service de la police, ils perdront toute crédibilité. Mais l'inverse existe aussi, hein. J'en ai fait les frais, vous pouvez me croire. Et je vous demande de faire une exception. Mais vous pouvez interroger nos collaborateurs, il n'y a aucun problème. Mais ne me demandez pas de mettre un journaliste à votre disposition. Je ne peux pas vous révéler nos sources. Je m'engage à les protéger. Et puis c'est pas ça qui m'intéresse. Un de vos journalistes a été abattu. Je pense que vous souhaitez autant que nous qu'on retrouve le meurtrier. Vous ne trouvez pas que ça pourrait justifier l'abandon de quelques principes? Bon, voilà ce que je vous propose. Vous pouvez travailler avec Malou Eriksson. Mmh. Elle connaît parfaitement la documentation de Dag. À vous deux, vous réussirez peut-être à faire émerger une liste de suspects. Merci, Erika. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Dixième épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Marie Payen, Erika Berger, Reda Kateb, Paolo Roberto, Jochen Hegele, Ronald Niedermann, Léonie Pinjot, Myriam Wu, André Marcon, Yann Boublanski, Johanna Nizard, Sonia Modig, Philippe Béraudeau, Hans Faste, Alain Fromager, Richard Ekström, Philippe Bautier, Kurt Bolinder. Et les voix de Jocelyn Lagarrigue et Neta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Prise de son musicale, Vincent Viltard, Cyril Bécu, Bruno Mourlan et Pierre Quintard. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs.